On va ouvrir le butin de sport local et régional en parlant que la Ligue senior du Lac aux Fèves a fait connaître hier le reste des suspensions pour les matchs, pour le match qui est survenu le 15 décembre dernier entre le MGR Express de Jonquière et la Haute-Côte-Nord. Rappelons évidemment que ça avait fait les manchettes partout avant la période des fêtes. Donc, Jean-Christophe Penneau a été suspendu pour le reste de la saison. Il est du MGR Express de Jonquière ainsi que les séries éliminatoires. Il y a également trois autres joueurs qui ont suspendu dans une moindre mesure. Samuel Gagnon est écopé de 5 matchs de suspension. Dans le cas de Samuel, il a un match déjà de fait. Tout comme Félix Giroux, qui lui aussi obtient 5 matchs de suspension. Il a aussi un match de fait avec Kevin Charest de la Haute-Côte-Nord. Bien qu'il ait démissionné, l'entraîneur Gino Gagnon écope de 3 matchs de suspension en raison qu'il a retiré son équipe du jeu. Et le MGR Express reçoit une amende de 250$. Ligue junior régionale, les Sabres de Robertval ont perdu par la marque de 8-5 sur les Saguenay-Chicoutimi. Il y a Vincent Bérubé qui a marqué 2 buts. Thomas Bouchard a marqué 1 but et a amassé 2 passes. Il y a Alex Bernard qui a aussi marqué. Marc-Antoine Caron pour les Sables de Robertval a amassé 3 passes. Au tournoi Pee-wee de Jonquière, le Wild de Jonquière a gagné 7-2 sur les Prédateurs de Jonquière. 4 buts une passe de Gabriel Gagné. Il y a les Aiglons d'Allemagne qui ont vaincu les Patriotes de Saint-Bruno 5-0. Joël Beaulieu a marqué 2 buts. Et dans le B verticule de 1-1 entre les Genois d'Alma et les Olympiques de Chicoutimi. Et les Blues de Jonquière ont défait les Prédateurs de Chicoutimi 4-1. Justin Girard a réussi un doublé. Dans le A, le Royal de Métabetchouan a vaincu les Blue Jackets de Jonquière 4-2. 2 buts de passe pour Zach Martel. Il y a l'Express de Chicoutimi qui a gagné 4-1 sur les Sabres d'Orberval. Dans les autres matchs également, Jonquière 7, les Éperviers de Chicoutimi 0. Et Saint-Ambroise a défait facilement l'équipe de Jonquière par la marque de 4-0. Et je termine avec le gardien de but natif d'Allemagne, Samuel Harvey, qui a obtenu la première étoile dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au cours de la dernière semaine, Samuel Harvey a récolté 2 victoires et subi 1 défaite, tout en conservant une moyenne quand même très très basse et de 0,65 et un pourcentage d'arrêt de 979. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Willy Boivin. C'était le championnat national hier. Ça a eu lieu entre les Crimson Tide d'Alabama et les Bulldogs de Georgia. Également, je me suis entretenu avec l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne de hockey junior, Dominique Ducharme. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com. On s'en occupe.